Père, nous venons dans ta présence ce matin. Nous venons dans ton sanctuaire avec nos chants, avec nos cœurs, oh Dieu. Tu dis dans ta parole, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secouris dans vos maisons. Nous approchons devant toi, Seigneur. Agrée-nous, accepte-nous dans ta présence. Accepte-nous dans ton sanctuaire. Agrée nos cœurs, agrée nos vies, Seigneur. Réjouis-toi de notre adoration. Réjouis-toi de notre louange, oh Dieu. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia. Devant ton sanctuaire, devant ta majesté, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Dans ton intimité. La sainteté comble mon cœur. Et la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence. Et là, dans ta présence. J'exalte ta puissance. J'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Ta gloire est mon partage. Toi, le rocher des âges. Toi, le rocher des âges. Faible mon descend et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Et dans ton sanctuaire. Et dans ton sanctuaire. Devant ta majesté. Devant ta majesté. Je vis mon vrai bonheur dans ta présence. Mon vrai bonheur. Ton intimité. Ton intimité. La sainteté comble mon cœur. La sainteté comble. Et la joie du ressuscité. Et la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence. Et là dans ta présence. J'exalte ce matin. J'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Ta gloire est mon partage. Toi, le rocher des âges. Toi, le rocher des âges. Mais faiblement te sanctifie. Mais faiblement te sanctifie. Et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi. Ton amour à moi déborde. Ton amour à moi déborde. Et non des esprits. Et non des esprits encore. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Je viens s'amourer. Que mon cœur. Que mon cœur et partout, Seigneur. Et partout, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi déborde. Déborde, déborde. Et non des esprits. Et non des esprits s'accordent. Des tendresses. Je viens savourer. Je viens ce matin. Et partout, Seigneur. Et partout, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, nous te disons merci ce matin, oh Dieu. Combien ton amour déborde encore dans nos cœurs. Combien ton amour déborde dans nos vies. Combien nous t'aimons ce matin, oh Dieu. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons exalter, oh Dieu. Nous venons t'adorer, t'élever, toi le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon bonheur se passe, alléluia. Mon bonheur se passe là devant ta face. Là devant ta face. Il n'y a pas meilleur endroit. Il n'y a pas meilleur endroit. À l'ombre de ta droite. À l'ombre de ta droite. Tu me révèles mes faiblesses. Tu me relèves. Tu me remplis. Et tu me remplis d'allégresse. Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire. Devant ton trône de gloire. J'écris ma petite histoire. J'écris ma petite histoire. À l'encre de mes larmes. À l'encre de mes larmes. Mais dans la joie de mon âme. La joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur. Tu me révèles ton plan. Dans les conseils de ta grandeur. Dans les conseils de ta grandeur. Seigneur. Seigneur, je te dis. Voilà merci. Pourquoi ton amour. Ton amour à moi. Voilà pourquoi ton amour de mort. Et non des esprits. Et non des esprits encore. Seigneur, ressuscité. Est-ce qu'on peut chanter avec l'assemblée? Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence. Et là, dans ta présence. J'exalte ta puissance. J'exalte ta puissance. La gloire est mon partage. La gloire est mon partage. Toi, le rocher des âmes. Le rocher des âmes. Mes faibles mots. Seigneur, et si les moments, mon cœur ne peut se taire, alors mon silence t'adore, car tout dans ton glorieux décor, dans ton glorieux annonce que tu agis encore. Que tu agis encore. Est-ce qu'on peut acclamer les yeux? Qui agit encore? Qui agit, qui ne dépend pas des temps, des circonstances? Annonce qu'il agit encore. Il agit dans le passé, il agit dans le présent, il agira dans le futur. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer plus que ça? Acclamons plus que ça. Acclamons plus que ça. Acclamons plus que ça. Acclamons plus que ça. Amen. Bien-aimés, nous voulons passer un temps dans la louange. Je voudrais relever quelque chose dans 2 Samuel 6, verset 14, qui dit ceci: David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, de toute ta force. Est-ce que quelqu'un ne peut pas danser de toute sa force devant l'Éternel ce matin? Nous voulons continuer à le célébrer avec une louange forte. Alors, apprends-toi à danser. David était roi. Et qui sommes-nous par rapport à David? Nous pouvons y aller avec l'union musicale. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, oh éternellement. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Tu es le même, oh éternellement. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Tu es le même, hier, aujourd'hui. Je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Baba, soit par Monica. La soie ma passe. Aujourd'hui, je vois du Jésus. Ah, Jésus. Tout puissant, Jésus. Ah, Jésus. Saint-Dolan, Jésus. Ah, Jésus. C'est le cri de joie du Jésus. Alors s'élève un chant. grand. Tu es tellement grand. Infiniment grand. Tu es le Dieu indescriptible. Le roi immortel, le roi invisible. Le Dieu digne. Tu es digne depuis l'éternité. C'est pas nous qui te rendons digne. Tu es digne par toi-même. Assis sur ton trône, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, nous étions non aimables, indignes. Mais tu as eu pitié de nous. Tu as envoyé ton Fils. Et voici que nous sommes là. Devenus tes enfants, rachetés à grand prix, nous pouvons t'adorer. Majesté, à lui la majesté. La chose s'accomplit. Le Dieu qui ne rejette pas toujours. Le Dieu qui a compassion. Le Dieu qui nous fait vivre. Le Dieu qui nous donne un nouveau jour. Le Dieu de notre salut. Merci ce matin. Tu es là, réjouis-toi au milieu de ton peuple. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Saint-Esprit, car qui pouvons-nous aimer plus que toi? Tu as les paroles de la vie et nous avons compris que c'est auprès de toi que réside le salut. Nous sommes venus à la maison. Seigneur, accueille-nous en ta présence. Active ton alliance avec nous ce matin. Ranime ton zèle. Dévore nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous asseyons devant le Seigneur. Shalom. Vous saluons au nom du Seigneur. Tu peux aussi m'aider à saluer le voisin. Vous allez bien? Vous allez bien? Ok. Ce matin, nous bénissons Dieu qui nous donne la grâce de nous retrouver à ce deuxième culte. Nous avons Sainte-Seine. Ce matin, rappelez-vous les merveilles de la table du Seigneur. Et il faut participer à la table si nous sommes en ordre, parce qu'il faut respecter les principes. Paul a dit, sinon vous allez manger un jugement contre vous-même. Alléluia. Mais nous poursuivons sur notre thème, les ailes de ta maison me dévorent. J'ai la joie d'accueillir notre frère Moïse. Ça fait tous les temps de confinement. Tu peux saluer l'assemblée. Tous les temps du confinement, il était coincé quelque part. Maman Mouézé, Karibou, soyez bénis au milieu de nous. Les autres frères sont venus aussi? Toute l'équipe? Ok. Il y a quelques-uns qui sont restés. Karibou, on est content de vous revoir. Les ailes de ta maison me dévorent. Et nous étions en train de partager le dimanche dernier sur la cible ou la cinquième cible. Oui, sixième cible auquel il faut exercer notre zèle. Alléluia. Alléluia. Alléluia. La joie est là. Le zèle de ta maison me dévore. Et nous avons vu que lorsque nous ressentons cette ardeur dans notre cœur, ce zèle dans notre cœur, ce feu qui brûle pour Dieu dans notre cœur, il faut que nous soyons capables de savoir on l'applique sur quoi. Et nous avons, depuis quelques dimanches déjà, partagé sur 5 cibles ou domaines sur lesquels exercer notre zèle, et nous avons parlé de rendre Dieu heureux ou content. C'est-à-dire, quand mon cœur brûle pour la maison, je travaille à rendre Dieu content. Je fais les choses qui permettent que Dieu soit heureux. Vous comprenez ça? Deuxièmement, nous avons partagé sur la cible domaine de défendre la gloire due à Dieu. Troisièmement, défendre la manière d'être et de faire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a une manière de faire et d'être. Quatrièmement, défendre la cause de la famille de Dieu. Cinquièmement, aider à faire aboutir les objectifs de Dieu. Et le dimanche dernier, nous avons parlé sur le sixième domaine, imposer le règne de Dieu dans notre génération. Nous avons vu l'expérience d'Élie qui, au temps du roi Akaz, le mari de Jézabel, le peuple, la nation était vouée à l'adoration de Baal et des Astarté, dieu de la pluie prétendue. Et il a fallu que un homme de Dieu se lève, dise au roi, il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole. C'est-à-dire, muna jivuni amvula, muna waza mwenjo muna tiaka amvula. Je vais imposer le règne de Dieu. Et ce fut, c'est comme il avait dit. Il n'y eut ni rosée ni pluie pendant 3 ans et demi. Sur la parole du prophète Élie. Il imposa le règne de Dieu dans sa génération. Aujourd'hui, quand nous observons tout ce qui se passe autour de nous, on a l'impression que Dieu n'y est plus, que Dieu n'existe plus, ou que Dieu, où es-tu? Les hommes se sont voués au diable dans les ordres mystiques, dans le péché de toutes sortes, de l'immoralité, la méchanceté, les égorgeurs et toutes sortes de choses que vous connaissez. Comme si Dieu n'existe plus. Il faut que quelqu'un s'élève et impose le règne de Dieu sur la terre. Qui va s'élever? L'Église. Quelle solution Dieu a? L'Église. Quoi d'autre tu as? L'Église. Dieu n'a pas deux solutions. Je bâtirai mon église de telle manière que ni la mort ni le séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. L'église. L'église. Alléluia. Et ce matin, nous voulons aborder le septième domaine ou la septième cible qui est défendre et établir l'église de Jésus-Christ. Nous prenons un texte, 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothée 3, 15, nous y allons au nom du Seigneur. Il est écrit à partir verset 14. Je t'écris ces choses afin que l'espérance, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, virgule, qui est l'église du Dieu vivant, virgule, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Quatre choses ou trois. La maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne de la vérité, l'appui de la vérité. Défendre, établir l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère et ma sœur, Dieu a besoin que des hommes et des femmes se lèvent pour défendre l'église de Jésus-Christ sur la terre. Défendre l'église. Qu'est-ce que cette église? Cette église, c'est un, la maison des dieux. Deux, l'église du Dieu vivant. Trois, la colonne de la vérité. Quatre, l'appui de la vérité. L'appui de la vérité. Et vous savez, mon frère, ma soeur, lorsque tu as une maison, cette maison est à toi. Et donc, c'est toi qui établis les principes qui doivent se respecter dans ta maison. Si c'est la maison de Dieu, donc on trouve Dieu dans cette maison. Si tu cherches Dieu, tu peux aller le chercher dans sa maison. J'étais dans la joie quand on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ce n'est pas ta maison. Si cette plateforme, c'est la maison de Dieu, c'est que c'est là où Dieu habite. Il a dit, j'habiterai au milieu d'eux, ils seront mon peuple. Nous vivrons ensemble, on a vu ces choses plusieurs fois. Voici le tabernacle de Dieu. J'habiterai, il habitera au milieu d'eux, ils seront son peuple. Le tabernacle de Dieu. Seigneur, c'est ta maison là-bas. Défendre ta maison. En quoi suis-je concerné par défendre la maison? Parce que dans l'idée de Dieu, depuis le commencement, Dieu nous veut dans sa maison. Dieu nous a appelés, Dieu nous invite là dans sa maison. On va y revenir. La maison de Dieu. Qui dit maison de Dieu dit qu'il y a une ligne de conduite dans la maison de Dieu. Qui dit maison de Dieu dit qu'il y a des vertus. Des vertus de la maison, question. Si quelqu'un veut vivre chez toi, il n'a que respecter les vertus de ta maison. Combien d'entre nous ont déjà leur maison? Ah, yeah. Ok, d'accord. Laisse tomber. Si quelqu'un veut vivre chez toi, il doit respecter les principes de ta maison. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, l'Église, nous allons dans la maison de Dieu sans tenir compte que c'est une maison de quelqu'un. C'est une maison de quelqu'un. Ce n'est pas notre maison, c'est la maison de Dieu. Et comme c'est sa maison, et qu'il nous veut dans sa maison, nous devons nous conformer. Défendre la maison veut dire donc défendre ou prôner les vertus de la maison, prôner les principes, la ligne de conduite de la maison. Je ne vis pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Il y a des choses que je dois respecter. Alléluia. Jésus dit au vendeur dans le temple, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et maison peut se comprendre dans deux dimensions. La dimension sanctuaire, ou lieu de culte, ou lieu d'adoration, lieu de rencontre, on en a parlé. Mais elle se comprend aussi comme les hommes et les femmes en qui Dieu habite. Tu es la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que l'Éternel habite en vous? Oh, je suis donc la maison. Alléluia. Je suis donc la maison de Dieu. Si je suis la maison de Dieu, c'est que Dieu habite en moi. Il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Enfants de Dieu, maison de Dieu, tu es la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Comment nous défendons la maison de Dieu? Nous défendons la maison de Dieu en établissant les vertus de Dieu en nous-mêmes. Les vertus de la maison de Dieu en nous-mêmes, parce que nous sommes la maison en question. Comment tu défends l'église de Jésus-Christ? Tu es l'église. Je vous ai dit la fois passée, le grand déficit du royaume de Dieu aujourd'hui ne se manifeste pas à l'église, mais dans les séculiers. Parce que lorsque nous venons à l'église, comme on est là ce matin, tout le monde essaye de vivre, de se montrer agréable. N'est-ce pas? On essaie d'être agréable à Dieu. On essaie, à part les quelques bien-aimés qui viennent voler les sacs des femmes ou les téléphones des gens. Mais tout le monde à l'église essaie d'être correct. Et c'est juste pour 1h30 ou 2h. Quand nous sortons, on laisse l'église à l'église. Alors que nous devions sortir avec l'église où nous devrions sortir en tant qu'église. Devrions sortir en tant qu'église. Tels que sommes venus ici, chaque membre, chaque personne est une composante de l'Église. Lorsque tu travailles sur toi-même comme Église, si tu es le bras fonctionne bien, mais le bras fait partie du corps. Et lorsque le bras fonctionne correctement, et que le pied aussi travaille sur lui-même et fonctionne correctement, alors l'ensemble, le corps, fonctionne correctement. Nous défendons l'Église en travaillant sur nous-mêmes. Nous défendons l'Église en établissant les vertus de Dieu en nous-mêmes, en établissant les principes de Dieu en nous-mêmes, en travaillant sur notre personne, en travaillant sur notre être intérieur, en travaillant sur notre manière d'être et de faire, notre manière de servir Dieu. Lorsque nous réussissons à bien y travailler, nous défendons l'Église de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous sommes à l'extérieur de ce temple, est-ce que l'Église arche s'arrête? Est-ce que quand on rentre à la maison, on laisse l'Église à l'Église? Répondez-moi. Est-ce qu'on laisse l'Église à l'Église? Lorsque nous sortons, l'Église se répand. L'Église coule dans les avenues. L'Église se répand dans la cité. De telle manière qu'on peut observer un homme dans le quartier et dire, ça celui-là ressemble. Ça c'est un archois, ça. On a dit de Pierre, par une petite fille, toi aussi, tu étais avec eux. Oui, d'ailleurs ton accent, d'ailleurs tu les ressembles. Et Pierre renia Jésus. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez constaté que ces pierres-là ressemblent à l'Église Jésus-Christ. Ils ressemblent à Christ. Tu ressembles à quoi quand tu quittes ici? Qu'est-ce que ton entourage peut dire? Tes voisins disent quoi de toi? Bon, est-ce que l'Église se reproduit, se révèle chez toi à la maison, ou tu la laisses à Mutongo, numéro 160? Les ailes de ta maison me dévorent. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prennent ses vertus dans ces temples, qui viennent pour activer les vertus de Dieu, qui viennent au temple pour se recharger, qui viennent au temple pour s'activer et qui sortent pour distribuer, pour faire couler, pour faire répandre la vie de Dieu, la vie de la maison. Maintenant, regardez deuxième chose. Il dit, qui est la maison de Dieu, mais aussi l'église du Dieu vivant. Il y a plein de dieux sur la terre. Et l'homme cherche le Dieu vivant, c'est-à-dire le Dieu qui peut agir, le Dieu qui peut faire, le Dieu qui peut répondre à la prière, le Dieu qui change les situations, le Dieu véritable. Les êtres humains cherchent le vrai Dieu. Le zèle que tu auras devra t'amener ou te pousser à dire, Seigneur, il faut que quand les gens viennent à l'église, qu'ils voient que tu es vivant. Mieux encore, il faut que quand les gens rencontrent mon église roulante, mon église mobile, c'est-à-dire moi-même, qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire au Dieu de cette église ici, au Dieu de cette église toi, et que ce Dieu-là s'appelle le Dieu vivant. Les êtres humains, frères et sœurs, souffrent aujourd'hui parce qu'il y a carence de l'expérience du Dieu vivant. il y a carence. Or, chaque être humain peut devenir les transporteurs du Dieu vivant. En fait, nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à être des porteurs du Dieu vivant. Nous sommes appelés à véhiculer les dieux vivants. Nous sommes les véhicules du Dieu vivant. Les véhicules, c'est-à-dire les temples, l'habitation de Dieu par l'Esprit, les distributeurs, les dispensateurs des mystères de Dieu. C'est nous, c'est toi. Mais comment on ne le devient pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Il faut que quelqu'un soit saisi du zèle pour le faire arriver. Ce que je fais ce matin, c'est d'essayer de le faire. C'est-à-dire, essayer de déranger quelqu'un pour dire, écoute, tu peux le devenir et c'est disponible. Et le Dieu vivant, il veut. La Bible déclare, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est la volonté de Dieu que toi et moi, nous soyons des véhicules de Dieu. Quand tu te promènes dans la cité, quand tu entres dans ton bureau, il faut que Dieu vienne avec toi dans ton bureau, que Dieu vienne avec toi dans ta chambre, que Dieu vienne avec toi dans ton marché, derrière ta table au marché, le Dieu vivant est là, tu es le temple du Dieu vivant. Les gens achètent les makayabo, ils achètent ça avec, auprès de quelqu'un qui est le temple du Dieu vivant. Merveille. Parce que la présence de Dieu en toi influence tes makayabo. Quel bonheur que d'acheter les makayabo des enfants de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, quand ils sont arrivés le matin, ils ont pris un peu d'eau et ils ont aspergé sur leurs makayabo. Et toi, enfant de Dieu, quand tu es arrivé le matin, et tu as étalé tes makayabo, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Hein? Tu as prié, tu as dit quoi? Seigneur, donne-moi l'argent, je dois payer les loyers. Tu as fait quoi? Maintenant, vous voyez, il y a deux tables. L'un a aspergé de l'eau sur ses makayabo. Toi, tu as aspergé quoi? La présence de Dieu. L'ennemi ne vient que pour voler, détruire, égorger. Ces makayabo sont loin. Ces makayabo sont remplis de vie. Les makayabo de l'autre est rempli de quoi? Ne t'étonne pas qu'on mange les makayabo et puis on fait la diarrhée. Tu as acheté ça chez qui? Ou t'étonne pas que tu manges tes makayabo, tu n'es même pas rassasié. Tu te poses la question, j'ai mangé ou non? Ou les enfants ne sont pas rassasiés, ils reviennent sur maman. Maman, si Yashiba, ou me malisa likayabo, ou me kula kipande kabambi, wewe. Mais que l'enfant pose la question à maman, tu as acheté où, chez qui? Lorsque nous sommes remplis de Dieu, le Dieu en question rayonne sur tout ce qui nous concerne. Il rayonne sur même les objets familiers. C'est ce qui a fait que les hommes ont mis des mouchoirs sur Pierre et ils sont partis avec les mouchoirs et ils ont guéri les malades avec les mouchoirs. Ils ont chassé les démons avec les mouchoirs. Qu'est-ce que contient ces mouchoirs? Ces mouchoirs viennent de l'église du Dieu vivant. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mchapie Bwana makofi. Alléluia. L'église du Dieu vivant, c'est-à-dire là où on trouve les dieux vivants. Défendre l'église de Jésus-Christ. Défendre là où on trouve les dieux vivants. Il est écrit la colonne de la vérité. Il n'est pas dit dans ce texte la tunnel de la vérité. Il n'est pas dit la borne de la vérité. Il est dit la colonne de la vérité. Il y a des gens qui disent vérité. Oui, moi je suis dans la vérité. Dieu seul sait. Attends. Dieu seul n'a pas besoin de le savoir. Il faut que nous le sachions aussi. Nous ne sommes pas un tunnel de la vérité. Nous ne sommes pas un trou de la vérité. Nous sommes la colonne. La colonne, elle monte. Afin que la vérité en question se lise au loin. Même en international. L'Église, la colonne de la vérité. Il faut défendre cette colonne. Comment on la défend? Il faut construire cette colonne-là. Il faut élever la colonne de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus lui-même. L'Église, c'est la colonne de Jésus-Christ. L'Église, c'est cet instrument, c'est cette chose qui montre, qui élève très haut la vérité. Qu'est-ce qu'a besoin le monde? Le monde a besoin de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les ténèbres remplissent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, sa lumière paraît. Sur toi, sa gloire s'élève. S'élève quoi? Colonne. C'est la colonne. Tu dois monter, frère et sœur. Tu es l'Église. Quand nous sommes ensemble dans un temple, nous sommes la colonne de la vérité. Mais quand nous sortons individuellement, nous demeurons colonne multiple de la vérité. Tu es colonne de la vérité. Et puis, quatrièmement, l'appui de la vérité. L'Église est l'appui de la vérité. C'est-à-dire, l'Église soutient la vérité. Quelle vérité se soutient dans cette ville de Goma? Qu'est-ce qui se soutient dans Goma? Qu'est-ce qui se soutient dans ta maison? Qu'est-ce qui se soutient dans ta tribu? Qu'est-ce qui se soutient au Congo? Quelle est la vérité au Congo? Et qui appuie la vérité en question? Lorsque nous évangélisons, lorsque nous vivons correctement avec Dieu, lorsque notre témoignage est correct, nous appuyons la vérité. Quand on nous voit, on peut dire, j'ai vu un chrétien, j'ai vu un membre de l'église Arche, j'ai vu un membre de l'église de Jésus-Christ. Comment tu soutiens la vérité? Tu soutiens la vérité par la qualité de ta vie. Tu soutiens la vérité par ton ministère efficace et puissant. Tu soutiens la vérité par ta fidélité à Dieu. Ta fidélité à Jésus-Christ, tu soutiens la vérité. Mais que des mensonges que nous soutenons. Je vous ai dit, il y a église et église. Certains qui ont été juste de transfert de Biachara, des féticheurs qui a constaté qu'il n'y a plus beaucoup d'entrées, il a juste changé de toge et de vocabulaire. Il avait des vocabulaires de l'autre côté, il a changé le vocabulaire d'ici, le vocabulaire de la Bible. C'est comme ça que vous apprenez certains trucs du genre, mais ma sœur, tu souffres beaucoup. Vraiment, moi, je connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un? Où? Non, c'est là derrière en haut. Mais en tout cas, c'est un homme de Dieu parce que, en tout cas, il utilise la Bible. Il utilise la Bible. Et puis avec cette détresse par laquelle passent les enfants de Dieu, parfois des détresses qui traînent, parce que souvent, vous savez, quand ça traîne, on commence à désespérer. Gloire au Seigneur pour le séminaire des femmes. Prends courage, et il t'appelle, lève-toi. Jusqu'à hier. Et rendez-vous ce jeudi prochain. Bonne soirée. Que Dieu nous aide, frère. Appui de la vérité. Dites à ton voisin, tu es l'église, frère. Ah, dis-lui. Tu es l'église. C'est-à-dire, tu es la maison de Dieu. Tu es l'église du Dieu vivant. Tu es la colonne. Et puis tu es l'appui. Mais également, lorsqu'on vient dans les temples, dans les sanctuaires, ces sanctuaires doivent aussi défendre les mêmes vertus, les mêmes causes. Il n'est pas normal qu'on apprenne ce genre de trucs. Où quelqu'un est venu à l'église et puis à la sortie où il priait et son sac n'est plus là. Nous sommes où? Hein? Je crois que il faut qu'on mette un peu les... Hein? Ça s'appelle quoi là? Les caméras de surveillance. On va commencer à les ramasser ces gens-là. Hein? Le dimanche passé, quelqu'un, il a pris un sac de quelqu'un et les protocoles, c'est bien occupé de lui. Ils l'ont bien soigné, quoi. Je vous assure. Je suis allé à l'église, j'ai adoré. On m'a parlé du zèle de la maison. Et puis, avant de sortir, mon sac n'est plus, mes cartes d'identité, mon téléphone. C'est quoi cette affaire? On était où? J'étais où en fait? À l'église Arche. Il y a des voleurs à l'église Arche. Est-ce que ça marche? C'est ça l'appui de la vérité? Quelqu'un doit avoir le zèle pour dire: Seigneur, je veux me mettre à la brèche, je veux me mettre à genoux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voleurs qui se glissent ici. Pourquoi perdrais-tu ton mari à l'église? Parce que quelqu'un est venu à l'église et il a séduit ton mari à l'église. Et toi, mari, tu t'es fait séduire à l'église? Tu es chrétien ou non? Non, je l'avais vu à l'église. C'est ça l'objet de l'église? C'est ça qui doit se passer à l'église? L'église, la maison de Dieu. L'église du Dieu vivant. Dieu vivant. As-tu des problèmes? Va à l'église. La colonne de la vérité. Tu es dans la confusion, tu ne sais pas quoi faire? Va à l'église. va à l'église. Quelqu'un t'a trompé, va à l'église. Mais mieux encore, deviens toi-même l'église. Deviens la réponse toi-même. Parce que tu es l'église. Tu es la maison de Dieu. Tu es l'appui de la vérité. Tu es la colonne en question. Buona sifiwe. Buona sifiwe. Voilà donc, frère, la septième cible. Tu vas exercer ton zèle pour défendre l'église de Jésus-Christ. Huitième. Établir et exécuter les volontés du Père dans le monde finissant. Matthieu 6, 9, il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons parlé de la volonté de Dieu, nous avons vu que la volonté de Dieu globale, c'est l'établissement de la famille de Dieu. Dieu avec les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est cela la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta famille, oh Dieu, s'établisse sur la terre comme elle est établie au ciel. Que ta famille se constitue sur la terre comme elle est constituée au ciel. Dans laquelle il y a le Père et les hommes et les femmes. Qu'elle se constitue sur la terre. Et nous avons vu, frères et sœurs, que chacun d'entre nous étant membre de l'Église, nous constituons chacun de nous un membre du corps. Et il faut que chaque membre du corps fonctionne correctement afin que l'ensemble corps fonctionne correctement. Si nous le faisons, nous serons en train d'établir et d'exécuter la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand tu vis en détail la volonté de Dieu, que je vis en détail la volonté de Dieu, l'ensemble de toi et moi constitue la volonté de Dieu globale, c'est-à-dire la famille de Dieu sur la terre fonctionne bien. Et cette famille sur la terre, c'est d'abord l'ensemble comme église locale, c'est aussi l'ensemble comme famille, c'est aussi l'ensemble comme le corps de Christ. Le corps de Christ va fonctionner correctement parce que nous sommes ensemble corrects individuellement. Qu'est-ce que c'est que ce zèle qui établit la volonté de Dieu? C'est ce zèle qui travaille pour amener les êtres humains, les enfants de Dieu, à être corrects dans la volonté de Dieu, à s'impliquer, à vivre individuellement et en détail la volonté de Dieu dans leur vie individuelle. As-tu une vie individuelle? Oui. Est-ce que Dieu est épanoui dans ta vie individuelle? Est-ce que Dieu se sent épanoui en toi? S'il se sent épanoui en toi et il se sent épanoui en moi, lorsque toi et moi nous serons ensemble, ce sera le corps qui est épanoui. Est-ce que je dis vrai? Neuvième. La volonté du Père, acte 13, 22, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Neuvième cible ou domaine, entretenir la réalité spirituelle entre Dieu et les hommes. Entretenir la réalité spirituelle. Psaume 62, verset 1 à 3, il est écrit, pour l'amour de Sion. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de cesse. Jusqu'à ce que paraisse au salut. Jusqu'à ce que. Il y a là un mystère. Il y a là une réalité indescriptible entre Dieu et les hommes. Écoutez-moi cet homme qui part. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Mais tu te fais souffrir, pourquoi? Jusqu'à ce que. Eh, Qu'est-ce que tu as? Tu as un problème? Non, je n'ai pas un problème. Il y a un mystère de Dieu avec les hommes. Et ce mystère, frères et sœurs, exista avant que l'homme et la création existent. Ce mystère exista comme un projet dans le cœur de Dieu pour l'existence de l'homme. Ce mystère, c'est ce qui conduisit Dieu à ne pas détruire l'homme après la chute. Il a conservé l'homme. Il y a quelque chose, il y a une réalité spirituelle entre les hommes et Dieu. Cette réalité fait que Dieu ne tue pas Adam. Il le conserve. Il y a un mystère. Il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. Ce mystère poussa Dieu le Père à envoyer son propre fils sur la terre pour mourir, ton fils mourir. Pourquoi? Il y a un mystère entre moi, Dieu, et ces créatures. Je les ai créées à mon image. J'ai un projet de former une famille avec eux. Je ne voudrais pas laisser tomber comme ça si facilement. Je refuse de les laisser tomber si facilement comme cela. Je persévère. Le zèle de ta maison me dévore. Là, c'est Jésus qui parle. Les ailes de ta maison me dévore. Ces ailes veulent quoi? Est-ce un zèle pour les bâtiments? Non, c'est un zèle pour les êtres humains. Pourquoi faire avec les êtres humains? Pour fonder une famille du Père. Ces mystères poussa Jésus, avant de partir, à nous enrôler dans l'opération de la propagation, dans l'opération de répandre ce mystère, cet objectif, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit aux apôtres, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. Tu cherches quoi sur la terre, Seigneur? Je cherche les hommes. Pourquoi les hommes cherchent même les animaux? Les animaux peuvent être plus fidèles. Il dit non, non, il y a un mystère, il y a une réalité entre moi et les êtres humains. Je vous ai toujours dit, si à ce moment un agent de Daesh s'est converti, il sera vraiment converti comme toi. Hein? Ça dit, bitadaka, ça va tenir. Dieu ne va pas dire non, non, non, non, toi tu as fait très, tellement de dégâts, non, non, toi non. S'il décide de se convertir à l'heure où je parle là, il est vraiment converti. Seigneur, tu es tellement gentil avec les humains comme ça. Oui, il y a une réalité spirituelle entre moi, le Créateur, et les êtres humains. Alors, le zèle que nous devons avoir doit nous amener aussi dans ces cibles pour entretenir cette réalité spirituelle. Entretenir cette réalité spirituel entre Dieu et les hommes. Ce mystère, c'est ce qui poussa, qui tracasse Dieu pour nous amener dans son ciel. Vous savez, ce mystère fait que Dieu exauce nos prières. Ce mystère fait que même quand tu as péché, tu reviens là. Hein? Dieu devrait te donner quelques coups de frappe. Mais il t'accueille quand même. Il est écrit dans Romains 8, 32, lui qui n'a pas épargné son fils unique, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui par sa grâce? Seigneur, si un jour nini, le psalmiste dit, qui suis-je pour que tu penses à moi? Vers de terre, fourmi, poussière. Oui, tu ne comprends pas, monsieur le psalmiste. Il y a un mystère entre ces dieux-là et les êtres humains. Et les hommes, nous méprisons ces mystères. Hein? Tu es repenti hier, Seigneur, pardon. Tu rentres, tu pêches encore. Et tu reviens encore, Seigneur, pardon. Tu vas te demander, combien, mais repens-toi. Oui, je me suis repenti hier, mais tu viens d'où? J'ai commis encore. Seigneur. Et puis les disciples de Jésus lui disent, oh Seigneur, combien de fois on doit pardonner? Il dit 77 fois, fois 7. Ah, ah. Il faut toujours pardonner. Oui, ça fait 449 fois, je crois. Pardonner, pardonner, pardonner. Hey. C'est quoi ça? Le mystère entre Dieu et les hommes. Maintenant, laisse-moi te dire, c'est encore ce mystère qui fait que ce Dieu soit en train de nous préparer une place au ciel. Jean 14, 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu, croyez à moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais pour vous préparer une place. Seigneur, une place? Oui. Nous, on a fait quoi? On est bizarre là. Il dit, oui, oui, je vous prépare une place. Je vous prépare une place. Merci Seigneur. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Quelqu'un devrait aimer Dieu. Banduba penzi ou mungu wa ivi tungeli mupenda. Dis ça dans ta langue. J'aimerais que ça entre. Eh, maman, c'est ma kuchiluba. Eh. Un Dieu comme ça, tu le fais passer. Et tu vas même rentrer à la maison, ça te convertit ce matin. Avec un Dieu comme ça. Ce Dieu ici, il t'aime. Ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui le refusent et qui continuent à le refuser. Et Dieu entretient ce mystère jusqu'au dernier jour où il va mettre le point final à son zèle. Il va dire jusqu'ici, point. Ceux qui ont compris mon zèle, venez. Nous allons dans la félicité. Vous qui avez boudé, qui avez persisté dans le mal, ok, j'ai préparé aussi un endroit qui vous convient. Je vous ai déjà répété plusieurs fois, cet endroit-là, ce n'est pas Satan qui le prépare, c'est Dieu lui-même qui prépare cet endroit-là. Ça s'appelle l'enfer, l'étang de feu et de soufre, où vous allez brûler sans devenir des braises. Et je parle à quelqu'un, tu vas brûler sans ça devenir braise. Tu vas brûler en restant vivant. Pas pour des jours, hein, pour l'éternité. Pole. Patiana est pole. Patia est pole. Mambi est pole. Pole. Vraiment pole, Kabisa, pole. Après tous ces efforts de Dieu, depuis la création, ce n'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis la création que Dieu a ses ailes-là. Après tous ces efforts, et il met le point final. On va voir, tu vas parler à qui? Vous connaissez l'histoire, la parabole du riche et Lazare. Oh, Abraham, envoie quelqu'un sur la terre. Abraham a répondu quoi? Je vais envoyer quelqu'un? Non. Il y a les prophètes là-bas. Si tes frères ne les écoutent pas, ils viennent te rejoindre là-bas. Frère, sœur, donne ta vie à Jésus. On a koufanine. Alléluia. Le dernier domaine, c'est réduire et arrêter ou soumettre l'égarement des hommes qui prennent Satan pour appui et pour leur Dieu. Et ces hommes deviennent des instruments de destruction du tissu social, de destruction des hommes, de la vie sur la terre. Réduire, soumettre ou arrêter l'égarement des hommes. Est-ce que mon anifat? Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Paul dit, Nous renversons les raisonnements et même toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous sommes même prêts à punir toute désobéissance. Paul, tu n'exagères pas, il dit non. Verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Frère Église, tu as le pouvoir, tu es doté du pouvoir d'amener des êtres humains à l'obéissance. Tu as ce pouvoir par la prière et l'autorité de Christ en toi. Paul dit, nous amenons les pensées captives. Nous renversons les raisonnements. Nous modifions les raisonnements par la prière, par ton modèle, par ton témoignage. Les hommes autour de toi peuvent changer d'attitude et quitter le mauvais terrain du diable. Les occultistes et tous ces gens qui détruisent le monde peuvent s'arrêter par l'Église. C'est pourquoi ils ne supportent pas l'Église. C'est pourquoi ils ne supportent pas un chrétien chez eux à la maison. Pourquoi ils s'agitent? Parce qu'il suffit qu'un de ses enfants se convertisse, c'est un problème à la maison. Pourquoi? Mais laisse-le, si toi tu es fort, laisse le petit. Et si je parle à quelqu'un, si ce petit-là, c'est rien, le Jésus-là, c'est rien, mais laisse-le. Pourquoi ça te dérange? Parce que ce petit, par sa présence dans ma maison, il va tout modifier ici. Il va soumettre les choses. La sorcellerie ne va plus fonctionner ici. Il va gâcher mes affaires. Comment il gâche? Il est juste simple, correct avec son Dieu. Ah, rempli du Saint-Esprit, marchant avec Dieu. Colonne de la vérité. Sa présence à la maison culpabilise le papa. Pourquoi tu te sens coupable si ce que tu penses avoir, c'est ce qui est bon? Non, il n'y a pas deux vérités sur la terre, il y a une seule, ça s'appelle Jésus. Tant que tu n'as pas Jésus, un petit de 8 ans qui s'est converti va tout déranger dans ta maison. Les opérations de minuit ne vont plus fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Ce petit de 8 ans est en train de modifier les choses dans le domaine spirituel. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, n'est-ce pas? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous n'avons pas à lutter contre le corps, mais c'est une affaire des esprits. Alléluia. Alléluia. Dites à ton voisin, ceci te concerne, tu peux le faire. Ajoute, dis-lui, crois à toi. Ou crois à ce que la Bible dit de toi. Tu es la colonne. Tu es l'appui de la vérité. Et là où il y a mensonge, là où il y a ténèbres, tu peux modifier les choses. Dis-lui, dis-lui. Là où il y a ténèbres, tu peux modifier les choses. Tu es l'église de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces esprits qui avilissent les êtres humains sur la terre. Les principautés, je vous ai montré l'illustration ici l'autre fois, vous vous rappelez? Nous sommes assis avec Christ en Dieu dans les lieux célestes, tout en étant sur la terre. Et ils sont au deuxième ciel. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Exerce cela. Exerce le pouvoir. Modifie les choses. Modifie les raisonnements. Et tu vas voir que le royaume de Dieu, le règne de Dieu va s'implanter autour de toi. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Voici quelques bénéfices. Voici quelques bénéfices pour terminer. De la pratique ardente du zèle. Les bénéfices, la pratique ardente. Pas la pratique paresseuse du zèle. Après, il n'y a pas de zèle paresse. Ça ne fonctionne pas ensemble. La pratique du zèle ardent. Voici le premier bénéfice. Les solutions sont obtenues. Jésus entre dans le temple. Il n'y avait plus de miracles. Mais quand il entre dedans, les miracles commencent. Il est écrit dans Matthieu 21, 14, « Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans les temples. Et ils furent guéris. » Solution. Deuxième bénéfice, il y a efficacité dans la poursuite de la cause divine. Proverbe 10, 4, « La main du diligent enrichit. » Tu veux réussir dans la vie, sois zélé. Tu veux réussir dans les choses de Dieu, sois zélé. On ne lit pas la Bible avec paresse. On ne prie pas avec paresse. On ne gagne pas les âmes avec paresse. C'est avec du zèle. Et il est écrit dans Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez l'Éternel. Troisième bénéfice, c'est l'honneur et la gloire pour l'homme zélé. 1 Samuel chapitre 17, verset 58, Saül pose la question à David, ce jeune homme. Petit, de qui es-tu fils, jeune homme? Jeune homme, jeune homme. Quel honneur. David vient d'apporter la tête de Goliath. Le zèle de la maison de Dieu. David a dit à ses frères, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va abattre ces messieurs? Et puis il pose la question à Goliath, qui es-tu? Quel est cet incirconcis qui jette du trouble, qui donne de l'opprobre aux troupes du Dieu vivant? Zèle. Je veux défendre ma maison. Ma famille d'Israël ne doit pas subir ça pendant 40 jours. Non, je ne suis pas d'accord. Qui es-tu incirconcis? Dieu a besoin des hommes qui vont se lever ce matin, capables de dire, qui es-tu incirconcis? Qui es-tu? Et qui vont renverser les situations. Parce qu'ils en ont le pouvoir par Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit. Le quatrième bénéfice, c'est l'honneur et la joie pour le père de l'homme zélé. Pour David, Isaïe était à la maison. Mais toute la nation est sauvée grâce à son fils. On a posé la question, ton père c'est qui? C'est Isaïe. C'est Isaïe, oui. Isaïe, tu es dans une bicoque quelque part. Quel honneur, quelle gloire, quelle joie. Mais plus que cela, c'est l'honneur et la gloire pour le père de l'homme zélé qu'on appelle Yahweh. Yahweh, ta vie peut devenir un sujet de joie, frère, sœur, pour ton Père céleste, mais aussi pour ton Père spirituel, pour ton pasteur. Le zèle que tu peux montrer peut faire vraiment de la joie et de l'honneur pour ton Père. Lèvons-nous devant le Seigneur, nous allons prier. Ensuite, on va passer à la table du Seigneur. On peut se lever avec zèle, s'il vous plaît. Lèvons nos mains devant le Seigneur ensemble. Après avoir compris ces choses, mon frère, ma sœur, j'aimerais te conseiller de donner ta vie au Seigneur. Vous savez, tu n'as pas toujours besoin qu'on te dise « prie comme ceci » pour que tu donnes ta vie au Seigneur. Tu peux le donner au Seigneur. Là, pendant que nous prions, pendant que chacun prie, toi aussi donne ta vie au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi simplement. Sauve-moi. Je décide de te suivre. Lève nos mains ensemble. Vous voyez, Dieu a montré son zèle jusqu'ici. Dites avec moi, Seigneur, j'ai compris. Tu as montré ton zèle à ma vie depuis avant la création jusqu'à présent. Et même tu vas continuer jusque le jour où nous entrons au ciel. Et moi, Seigneur, je suis le bénéficiaire de ton zèle. Jusqu'ici, j'ai bénéficié de ton zèle. Mais moi, en retour, mon cœur est froid, mon cœur est fade. S'il te plaît, embrase mon cœur. Ce matin, révolutionne mon cœur. Ce matin, touche-moi, Seigneur. Communique-moi ce zèle. Donne-moi ton modèle de zèle. Je veux être zélé comme toi, Jésus. Imprègne mon cœur de ton zèle. Communique à moi ton zèle par la puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais faire tout ce qu'on m'a enseigné en tant que ton enfant. Aide-moi, s'il te plaît. Tiens-moi la main et amène-moi. Au nom de Jésus, amen. Nous passons à la table du Seigneur, nous invitons les serviteurs. Nous allons participer à la table. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau et tu as été baptisé par immersion, tu vas participer à la table. Si tu marches en nouveauté de